nuages de fumée. L'équipe nocive. Qu'un nuage de fumée néfaste te contient, parce que dans un simple joint, ta rage tu contiens. Très bien, à qui cela profite, dis-moi qui tient. Mesquins sont restés ceux qui ont décidé d'élire certains. À petit feu, mais à coup sûr, tu consumes ton futur. Ce nuage devient un mur, tu crois protéger des coups durs. En fait, tu sais fuir une réalité ou t'être enfermé dans un vice qui devient vite ton complice de tous les jours. Laisse-moi m'exprimer à ce sujet et te démontrer le jeu auquel tu es sujet. On t'a vu à la bouche dans la tesside et ambulant dans les roues sans même faire gaffe aux plus petits. Malheureusement, on t'a également montré l'exemple. On aurait pu souhaiter que cela t'aurait servi d'exemple, mais incapable à ce jour d'assumer tes responsabilités, tu préfères leur dire. Ça va t'aider si je te vois fumer, comme si cela t'avait empêché de le faire. Regarde comme tu t'affaires vers ce qui mène à l'enfer. Et rappelle-toi qu'au départ t'as pensé pouvoir gérer. Maintenant t'allumes un spliff avant même d'avoir déjeuné. Un nuage de fumée infâme, on fume ton âme en vain. T'essaies de semer les drames qui consument ton âme. Accepte qu'à l'évidence une dépendance s'établit. Tu noies ton cerveau dans l'absence, peu à peu tu t'oublies. Simulacre au goût acre d'une vie qui t'a fait battre en retraite, parce que t'es devenu ce que t'as pas voulu être. Si la vérité je viens faire éclater, c'est sûrement que je me trouvais dans un moment de lucidité. Car un nuage de fumée m'a trop souvent ralenti, perverti les pensées ou ramolli l'esprit. Et je prie pour que mon petit frère n'en soit jamais épris. Et je prie pour que ce vice s'éloigne à jamais de ma vie. Un nuage de fumée, t'essaies d'oublier. Tes projets s'évaporent, s'envolent tes ambitions. Dans un liquide nocif, tes rêves sont dilués, tes projets s'évaporent. Tu as des déceptions, s'envolent tes ambitions. La rage tu contiens. Fluide, nocif, tanotin. Et soudain, le mal qu'il contient déteint sur tes traits. Là tout devient abstrait, tu tires un trait sur le respect. L'inconvénient, tu sais, c'est qu'avant de penser, tu fais. C'est vrai, combien de tes refrains.